Nakamura, t'as tout tenté, j'ai tout cramé, faut laisser tomber. Toujours la brigante, faut pas me chercher, mon gars t'a coulé. Tu veux tout me donner, tout me donner, tout me donner, tout. Bye bye bye, moi j'ai pas time. J'connais tous tes bails, vas-y bye bye. Je sais que ça fait mal, je sais que ça fait mal quand tu me vois whiner. Je sais que ça fait mal, je sais que ça fait mal quand tu me vois smiler. Je sais que ça fait mal. T'es le prototype de. Tu connais de base, je suis que dans mes affaires. Tu veux coller, tu me connais. Pourquoi forcer? Tu veux tout me donner, tout me donner, tout. Tout me donner, tout. Bye bye bye, moi j'ai pas time. Je connais tous tes bails, vas-y bye bye. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal quand tu me vois whiner. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal quand tu me vois smiler. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal quand tu me vois smiler. Tu veux tout me donner, tout me donner. Tu veux tout me donner, tout. Tu veux tout me donner, tout me donner. Tu veux tout me donner. Ça fait mal quand tu me vois whiner. Ça fait mal quand tu me vois smiler. Ça fait mal quand tu me vois whiner. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal quand tu me vois whiner. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal quand tu me vois smiler. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal quand tu me vois whiner. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal quand tu me vois smiler. Ça fait mal quand tu me vois whiner. Ça fait mal quand tu me vois smiler. Ça fait mal quand tu me vois whiner. Ça fait mal quand tu me vois smiler. Ça fait mal quand tu me vois smiler.